mon âme, je suis ton boutier. Lève-toi, Seigneur, entends les pleurs de ton enfant. Brandis ton javelot pour mes ennemis. J'ai tant besoin de toi. Les pleurs de ton enfant.